Bienvenue dans Holiday Mix. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Salut et bienvenue, vous êtes sur Holiday Mix. J'espère que vous avez toutes et tous très bien démarré cette année 2013. Exceptionnellement, cette semaine, je tiens tout particulièrement à dédier cette émission à toutes celles et ceux qui n'ont pas pu profiter pleinement des fêtes de fin d'année, avec une pensée spéciale à l'intention de toutes celles et ceux qui se trouvent sur un lit d'hôpital pendant que les autres ont fait la fête normalement. Ce numéro vous est tout spécialement dédié. On démarre ce Holiday Mix avec une exclusivité en provenance de Bâle, la cité de DJ Antoine, est également celle de Mario Ferrini, dont voici le dernier single sur lequel il s'est offert le luxe d'une collaboration avec Cici Rogers, l'une des plus belles voix soulful. Ça s'appelle How Can I. Mario Ferrini sur Holiday Mix. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. To yesterday. Every night I wake hoping it was a dream. Please don't walk away. The things I said I didn't mean. Can we make it like it used to be? How can forever and ever? ça. C'est tout nouveau. Et rien que pour toi. En exclusivité sur Holiday Mix. Holiday Mix. Kick that shit. I'm gonna go get some more. I'm Monsieur Cortez. Session disco house avec Killer Beats, You Got To Go. Juste avant, il y avait la version 2012 du Can't Wait For The Weekend de Michael Gray avec Roll Deep, et encore avant une touche electro swing avec Nick Jagger. Holiday Mix Spirit of Switzerland, direction Zurich maintenant pour retrouver un certain Maurizio Colella. Si son nom ne vous dit rien, c'est normal, tout le monde le connaît sous son pseudo de EDX. Le voici en compagnie de Nadia Ali, This Is Your Life. Don't you know that now? The higher the jump, the harder you fall. Chase. We'll be right back. du dance floor. Le meilleur du dance floor. Avec Monsieur Cortez. Monsieur Cortez. I'm not afraid to Cortez in the mix. Thank you. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Ils écument les plus grands festivals tout autour de la planète, les Weekend Heroes avec Slide. Juste avant, c'était Tim Cullen et Brett Gould qui nous ont revisité le Lovely Day de Clavilles & Cole. Et encore auparavant, vous avez eu droit à un mashup de Morgan Page qui a mélangé son I'd Fight For You avec le High Rock de Tom Fall. Chez les Suédois, c'est bien connu, on mixe en mafia ou en famille. Voici une affaire de famille avec Steve Angello, son petit frère Antoine et Max Vangeli dans le rôle du troisième mousquetaire. Voici Haters. Écoute ça. We'll be right back. Mix. Oh, God. Énergie pure dans ce Holiday Mix. Il y avait Snat & Vix avec So Far Away, petite bombe trans comme on les adore, à suivre de très très près. À l'instant, c'était le Troll de Q-Linez et on va se quitter avec ce remix du Starlight de Digitalism, remix signé Fédé Legrand et Denis Coyu. Prochain Holiday Mix la semaine prochaine, même endroit, même heure. Je vous souhaite un max de bonheur. Très bonne semaine à vous, bye bye. We'll be right back. Monsieur Cortez in the mix.